se sont perdus, les pierrots lunaires qui peuplaient la terre de rêves rendus. Il n'y a plus de place pour les cœurs volants, et l'ennui délace les souliers de vent. Les piégeurs du temps ont fermé la cage au vagabondage des enchantements. De béton, de pierre, les pas se font lourds, les pierrots lunaires sont en mal d'amour. Nous n'entendrons plus les violons fleurir les chemins de chimère. Ni pour les grilles des prisons pleurer la honte casanière. Les tziganes ont fermé les tuiles, se fane la fleur des vents. Les quatre horizons meurent d'ennui quand meurent les engoulevents. Adieu sanglots, doux des fontaines, adieu danse au pied de silex. Il n'est plus pour bercer la peine que les falaises des Kleenex. Tziganes, qu'a-t-on fait de vous? Bardés de briques et de portes, les murs vous font autour du cou des colliers de musique morte. Écoutez claudiquer le vent sans frisson et sans vague à l'âme. Des violons brûlent au firmament, mais où sont les chants des tziganes? Où se sont perdus les pierrots lunaires qui peuplaient la terre de rêves rendus? Il n'y a plus de place pour les cœurs volants, et l'ennui délace les souliers de vent. Les piégeurs du temps ont fermé la cage au vagabondage des enchantements. De béton, de pierre, les pas se font lourds, les pierrots lunaires sont en mal d'amour. Les guitares ont dans leur trou noir le feu des épées de Tolède. La nuit caresse à n'y pas croire des éboulis de son qui saigne. On croirait voir la mort danser entre l'amour et les blés vives, quand le parfum des orangers parle plus beau que tous les livres. Les gitans ne frapperont plus du talon nos destins de pierre. Ils deviendront des pas perdus dans quelques villes muselières. Pour quel univers, quel matin, à rationaliser les songes, rayer les lignes de leurs mains, des chemins libres sur le monde. Gitans porteurs du crève-cœur qui résonnait à fleur de flamme, voici le temps des arpenteurs, mais où sont les danses gitanes? Où se sont perdus les pierrots lunaires qui peuplaient la terre de rêves rendus? Il n'y a plus de place pour les cœurs volants, et l'ennui délace les souliers de vent. Les piégeurs du temps ont fermé la cage au vagabondage des enchantements. De béton, de pierre, les pas se font lourds, les pierrots lunaires sont en mal d'amour.